c'est ma brutalité. Bientôt je fais la risée, pour en plus rivaliser. Je veux que tu tournes dans le bain. Je veux que tu tournes dans le bain. Je veux que tu tournes.